Mes larmes coulent à cause de toi, Égypte, qu'on m'emprisonne ou qu'on me pende, qu'on m'exile ou qu'on me torture, je ne m'enfuirai jamais. Yeah.